toi, tu n'es qu'un petit oiseau. Qui volera, toi, tu n'es qu'un petit oiseau. Qui volera avec ta toute petite paire d'ailes. Tu rêves d'attraper le ciel, mais tu tombes, pauvre oisillon. C'est pas de bol, en bas t'as l'air d'un plouc, tout le monde se moque de toi. On upload sur Facebook des photos de ton exploit. Tu voudrais te cacher, tu voudrais oublier, mais tu peux pas. C'est ça la vie, tu vois, toi, tu n'es qu'un petit oiseau. Qui volera, toi, tu n'es qu'un petit oiseau. Qui volera un jour. Tu croiseras une mésange qui te plaira avec sa jolie frange. Tu lui proposeras des vers amoureux, tu lui siffleras des airs mélodieux. Mais elle rira de toi, te traitant de farlouze. Un sale coucou des bois, la prendra pour épouse. Tu voudras te cacher, tu voudras l'oublier, tu pourras pas. C'est ça, la vie, tu vois.